aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et si on avait une boîte à son, j'aurais mis des applaudissements et la musique popcorn pour cette personne. Mais comme on n'en a pas, il va devoir se contenter de nous sourire extasiés à Victor et à moi parce qu'on est très content de le retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut. Ça faisait longtemps. Et on est évidemment avec Victor. Bonjour Victor. Salut Jade. Salut Stéphane. J'espère Salut que Victor. Vous êtes bien installé dans votre siège numéro 42 et que vous êtes chaud parce qu'on va voyager. On va voyager en bus, on va voyager jusqu'en Idaho et on va voyager dans la matrice parce qu'à l'aube de la sortie du troisième volet d'une franchise qu'on aime beaucoup, j'ai nommé John Wick, on revient sur le seul, l'unique, le grand Keanu Reeves. Chuck Spadina. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Alors déjà, je tenais à dire que l'entièreté de nous, donc de l'équipe, on est complètement 100% amoureux de Keanu Reeves pour différentes raisons. Et du coup, on est très content de la sortie de John Wick 3 parce que ça nous donne l'occasion de parler de Keanu. Mais du coup, qui c'est Keanu Reeves? Eh ben Keanu, c'est un acteur canadien. Et question pour vous, chez vous, à votre avis, quel âge il a aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, en 2019? Il a 54 ans. Exactement, il est né en 64 et il est né au Liban, à Beyrouth. Et on dirait pas du tout qu'il a 54 ans parce qu'on dirait un petit bébé. Il a encore une tête. Petit bébé qui a une moustache quand même. Une moustache et des cheveux longs. Donc c'est qui Keanu? Keanu, c'est un acteur canadien d'origine libanaise, également d'origine hawaïenne parce que son père est américain d'origine hawaïenne. Mais Stéphane, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire dans mon oreillette que tu étais un expert de Keanu Reeves. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Sur d'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne suis pas un expert en Keanu Reeves. Je ne connais pas sa vie. Je connais son œuvre, mais je ne connais pas entièrement sa vie. Je sais 2-3 détails, notamment le passé assez dark de son père biologique. Assez tumultueux, oui. Je sais qu'il a grandi du coup au Canada et qu'il s'est intéressé, à deux choses, au hockey et au théâtre. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il aurait, il voulait être un grand joueur de hockey, mais bon, bah, il a eu une blessure qui lui empêchera de réaliser ce rêve. Je sais aussi qu'il est dyslexique, comme Spielberg. De là à faire un parallèle entre les deux, il n'y a qu'un pas à faire que je ne ferai pas parce que bon, les deux tu l'as pas... presque fait quand même. Ouais, mais les deux ne sont pas comparables. Donc c'est un acteur qui aime beaucoup le théâtre, hein, qui a commencé à 15 ans dans une pièce, dans une adaptation de Roméo et Juliette. Mm-hmm. Où il jouait Mercutio. Voilà. Pendant un moment, on lui a dit de changer son prénom parce que Keanu Reeves c'était pas assez vendeur. Et du coup, on lui a proposé ce nom super stylé qui est Chuck Spadina, qui je pense est une grande perte dans l'histoire du cinéma. Parce que j'aurais adoré voir des films avec Chuck Spadina. Oh, mais Keanu Reeves c'est vachement stylé quand même. Ouais. Keanu Reeves c'est sympa, mais Chuck Spadina quand même, ça, tu vois, ça. C'est si beau. Ouais, mais Keanu, qui d'autre s'appelle Keanu sur Terre? Oh, voilà, t'as même pas besoin de dire Reeves, tu sais que Keanu c'est lui, il y en a qu'un seul. Même s'il y a un nouveau Keanu qui arrive, un nouvel acteur qui s'appelle Keanu, ça sera toujours lui. Alors techniquement, il y a un chaton qui s'appelle Keanu dans le film du même nom. Hein, mais d'ailleurs, Keanu Reeves est crédité dans le rôle de Keanu, donc c'est ça. Ah, c'est charmé. Et donc il a arrêté le hockey, mais il est quand même revenu au hockey parce que son premier rôle c'était quoi? Son premier rôle à part ses rôles de théâtre, son premier rôle au cinéma, c'était dans un film qui s'appelait Youngblood, un film sur le hockey sur glace. Dans lequel il jouait un gardien de but, ouais. de hockey sur glace, et dans lequel il jouait aux côtés de Patrick Swayze. Est-ce que vous avez vu ce film? Non, j'ai vu un autre film avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, mais... Avec Ghost, c'était vachement bien. Ouais, c'est ça. Donnie Darko, non, je pense à Donnie Darko. Poterie ou il joue justement le pot. Keanu Reeves joue le pot. Très bon rôle, son meilleur rôle. Mais oui, donc son premier rôle, c'était un film Youngblood qui est un peu... je pense que c'est inconnu, avec un film avec Patrick Swayze, mais il a commencé à se faire connaître en 1989 avec un film que vous avez peut-être vu, mais que j'ai pas vu, L'excellente aventure de Bill et Ted, qui, est-ce que c'est bien ? Alors oui, parce que je l'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de, beaucoup d'images, beaucoup de livres, beaucoup de trucs, mais j'ai jamais vu le film. C'est-à-dire que c'est selon moi le film où dans lequel Keanu s'investit le plus. C'est là où on voit qu'il a une palette, d'émotions qui sont différentes de ce qu'il fait d'habitude. J'arrive pas à savoir si c'est du second degré ou pas. Alors je vois mon colocataire qui me regarde avec un grand sourire. On l'a vu à deux, donc tu sais autant que moi qu'il joue très très bien là-dedans. Hein. Donc où il joue clairement avec Alex Winter un duo de. D'adolescents un peu teubés, hein, il faut bien le dire. Donc il manque que la weed et je pense qu'on tenait là un pur film de stoner. Si ça avait été fait maintenant, je pense qu'on aurait eu la weed. Clairement, tu aurais pu remplacer dans le monde actuel, on les aurait remplacés par Seth Rogen et James Franco, ouais, hein, clairement. Pour moi, c'est d'ailleurs un film qui me fait énormément penser à Wayne's World. Ouais. Avec Dana Carvey et Mike Myers, parce qu'on a un peu ces mêmes personnages fans de hard rock, débiles sur les bords. Mais en plus, ce qui est intéressant avec Bill et Ted, c'est que c'est un peu un mélange de tout ce qui regroupe la pop culture, parce qu'il faut quand même pas oublier que donc c'est l'histoire de deux ados fans de hard rock qui sont sur le point d'être séparés par leurs parents parce que ils sont très mauvais en classe et qu'ils sont sur le point de redoubler, et que si donc le personnage de Keanu redouble, son père l'envoie en école militaire. Sauf que ça pose problème parce que dans le futur, Bill et Ted sont responsables de la paix mondiale. Et en plus, leur groupe, les White Stallions, est le plus grand groupe de rock de l'histoire. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que Led Zeppelin. Je trouve ça audacieux. Et donc, pour ce faire, ils envoient George Carlin, qui s'appelle Rufus dans le film, qui vient du futur et qui débarque dans une cabine téléphonique. Donc, qui voyage dans le temps et pour les aider à réussir leur concours d'histoire. Leur donne cette machine à voyager dans le temps pour aller récupérer les grandes figures de l'histoire, donc Socrate, Genghis Khan. Oui, c'est Socrate, ouais, ou Platon, je ne sais plus. C'est Socrate. Napoléon aussi. C'est un nuit au musée, ton truc là, en fait. J'avoue, ça ressemble un peu à la nuit au musée. Mais oui, donc en 1989, il joue dans Bill et Ted, et il dit que c'est un rôle qui l'a vachement marqué. Il dit qu'il avait l'habitude de faire des cauchemars sur lesquels, sur sa pierre tombale, était écrit Ted au lieu de Keanu Reeves, et non pas Chuck Spadina non plus. C'est-à-dire que ça aurait pu être un film qui l'aurait catalogué à vie. Ouais, c'est ça. Il a eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que donc il joue Ted, si je me trompe pas, et clairement le personnage de Ted aurait pu lui coller à la peau toute sa carrière, parce ouais, que ça, le alors après le film est devenu culte avec le temps, bon, sauf chez nous où il a très peu de il est très peu connu du ouais. public français. Il faut d'ailleurs préciser qu'il y a un troisième volet qui est censé sortir l'année prochaine. Les deux Winter et Reeves l'ont confirmé. Le tournage devrait commencer. Ça va être étrange commencer. De voir un Bill et Ted avec eux, mais avec leur âge de maintenant, quoi. Ça sera plus le même délire des deux jeunes qui ont des problèmes de jeunes et tout. Là, ça va être deux gars de 55 ans, quoi. Ouais, des problèmes de jeunes, leur seul problème, c'est qu'ils ont un groupe de hard rock qui est censé révolutionner le monde, mais ils savent pas jouer. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, le truc avec le père et tout. Là, ils ont 55 balais. Et ouais, la belle-mère. Dude, that's your mom, dude! Donc, il faut quand même pas. Moi, ce qui m'a. J'ai acheté le dernier Empire parce qu'il y avait une interview de Keanu Reeves et que je voulais savoir un peu. Je voulais en savoir un peu plus. Tu fais bien ton travail, tu fais des recherches. Ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il a. Il dit quand même à propos de Bill et Ted, donc qu'il adore les personnages. Et il compare quand même ses personnages à ceux de la Commedia dell'arte. Et ça m'a énormément fait rire qu'il compare la Commedia dell'arte à Bill et Ted. Bah, c'est un fanat de théâtre, on l'a dit. Il a commencé en jouant percussion de Roméo et Juliette au théâtre, et puis il aime beaucoup jouer au théâtre, donc c'est des rêves qu'il a, quoi. Enfin, ouais, bah oui. Tu vois. Mais justement, tu disais qu'il a eu de la chance de ne pas être catalogué dans le rôle d'un Seth Rogen de l'époque. Mais pourquoi ? Mais c'est parce que 2 ans après, il a fait Point Break. Et Victor, je vois que tu as pris une inspiration. Ah, est-ce que tu aimes Point Break ? Ah, mais oui, mais Point Break, c'est formidable. On retrouve d'ailleurs Patrick Swayze. On retrouve Patrick Swayze, ce film-là auquel je pensais. Et là, alors, ce n'est peut-être pas aussi poussé qu'un autre film des années 90 dont on parlera ensuite avec de l'action. Mais là, on se retrouve vraiment dans un. On voit ce jeune Keanu en mode rookie. Qui passe dans la cour des grands, là, ça y est, ouais, il passe de Bill et Ted à. Il joue plus des ados, là, voilà. Même dans Youngblood, dont on parlait avant, il joue aussi un ado qui faisait l'éducation. Là, tu vois fini, que c'est un peu. Là, tu vois qu'il est encore un peu dans sa posture d'adolescent, un peu. Mm-hmm. Enfin, vous avez peut-être vu le gif avec ce célèbre gif où tu vois que le jeune Keanu Reeves sous la pluie qui te lève, ouais, le pouce avec un sourire béné, enfin, c'est ça en fait Point Break, enfin Keanu Reeves dans Point Break, et qui va se rendre compte qu'il va se mettre les pieds là où il faut, qu'ils vont mettre à mal ses idéaux de jeunes acteurs. Là, il va être confronté à Patrick Swayze, une grosse star qui lui aussi est dans son petit monde, mm-hmm, personnage de Bodhi, et c'est très sympa à suivre. Je suis en mode Brice de Nice, tu vois, en regardant le film. Oula, c'est très très loin. Mais c'est sa porte d'entrée dans le film d'action, et surtout dans le type de personnage qui joue dans les films d'action. Enfin, qui va jouer dans les films d'action. Il faut surtout remettre en contexte que pour une break, c'est surtout l'alliance entre deux monstres du ciné que sont Kathryn Bigelow. Mmh. Et James Cameron, qui est producteur exécutif sur Point Break, et qui a amené Bigelow sur Point Break, puisqu'à ce moment-là, elle venait de faire aux frontières de l'aube, c'est ce sujet-là, voilà. Et elle avait tapé dans l'œil de Cameron, dans les deux sens du terme, mais puisqu'ils ont fini par se marier. Je sais pas. La raison pour laquelle il a mis Bigelow sur le film, c'est parce qu'il a vu que c'était une très bonne réalisatrice. Mmh. Et elle a Point Break est au même niveau qu'un Die Hard à l'époque, c'est-à-dire à renverser les codes du cinéma d'action et à apporter quelque chose de nouveau, notamment l'utilisation de la caméra à l'épaule, qui est parfaitement maîtrisée par Bigelow. Et puis il faut quand même noter que Chuck Spadina, c'est peut-être classe comme nom, mais il faut quand même pas oublier que dans Point Break, qui nous s'appelle Johnny Utah. Il y a beaucoup de films où il s'appelle John et Johnny, d'ailleurs, dont un dont je vais peut-être revenir dessus après. Mais oui, mais Point Break, c'est son entrée dans les films d'action, parce qu'il a pas chômé, Keanu Reeves. Il a fait 10 000 films, certains mieux que d'autres, certains discutables, on va dire. Mais du coup, lesquels vous ont marqué, vous ? À part peut-être Matrix, qui est un film qui a marqué tout le monde, je pense, et puis c'est un peu grâce à ça que moi j'ai connu Keanu Reeves, parce que mon père était fan de Matrix et surtout de Neo, c'était un peu une icône, c'était un peu l'emblème, quoi. Mais quels films vous ont marqué, que ce soit négativement ou positivement, de Keanu ? Et quel personnage qu'il a joué vous a marqué plutôt que le film ? Oula, Victor. Non, vas-y, c'est... Ah non, mais moi, à choisir dans toute sa carrière, c'est-à-dire que on aurait très bien pu, en tout cas en positif, on pourrait parler de Point Break, on pourrait parler de Matrix, pour moi, quand on me dit Keanu Reeves, moi je pense tout de suite à Ted, de Bill et Ted, mais parce que s'il faut parler de Matrix, Point Break, ce n'est pas par rapport à Keanu Reeves. Parce que pour parler de Matrix, il faudrait faire une émission entière sur les sœurs Wachowski, et pour une break, une émission sur Kathryn Bigelow. Alors que Bill et Ted, là pour le coup, c'est vraiment parce que c'est une performance de Keanu qu'il n'a plus jamais refaite. Il faut bien le dire, quand on voit la manière dont il interprète Ted, à jouer extrêmement de manière over the top. Putain, avec sa coiffure dans ce film, mon dieu. Oui, où on se rend compte qu'il joue, il joue très bien le bonnet et l'adolescent. Bah, il était, enfin, je sais pas, il avait quel âge à cette époque? Il avait la vingtaine, donc il était encore un peu, il était adolescent, comme t'as dit tout à l'heure, Victor. C'est ça, et par la suite, en fait, quand on regarde ces autres films, au final, ils jouent toujours de la même manière. Parce que je ne suis pas un fan de l'acteur Keanu Reeves. Moi, je trouve que c'est un très mauvais acteur. Mm-hmm. Mais par contre, je suis fan de ce mec. C'est l'équivalent de Steven Seagal pour moi. Ouais. C'est-à-dire que quand je le vois à l'écran, même si le film est nul, je suis juste content parce que je vois Keanu Reeves. Et parce qu'il fait le kéké de cinéma d'action. Donc parce que quand bien même la trilogie Matrix c'est trois chefs-d'œuvre, je dis bien trois, la performance de Keanu Reeves elle est banale quoi. Alors après on peut dire qu'il joue comme ça parce que il est dans la matrice et que du coup c'est un programme anonyme nanana. Non. Mais c'est je trouve que c'est le meilleur choix possible pour jouer ce. Enfin, je vois personne. Ah, bah de toute façon, Neo, c'est Keanu Reeves. D'un point de vue physique, ça colle parfaitement. Après, moi je suis désolé, mais le passage où t'as Morpheus qui saute à l'autre bout d'un toit et t'as Neo qui fait wow. Wow, il est juste incroyable. Meilleur acteur. Et par contre, en termes de mauvais film, mais ça on y reviendra après. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est même plus une question de performance à ce niveau-là, c'est aussi une question que les films sont ratés. Donc, oui, moi, parce que moi je trouve que Dracula est une daube sans nom, doublée d'un. Que je considère même plus comme un nanar aujourd'hui, mais vraiment comme une daube. Non, c'est incompris ça. Non, c'est pas un nom. Dracula, il est, justement, je pense, oui, Dracula est incompris. On l'érige en tant que chef-d'œuvre, clairement pas, non. Victor, chacun son avis. Respecte Constantin, la vie de tous. Constantine, c'est terrible. Le jour où la Terre s'arrêta, pas que la Terre qui s'arrête, il y a aussi son acting là-dedans. Mais dans Constantine aussi, enfin le personnage et l'acteur, je sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est perdu là. Kinyo, reviens-nous, Constantine. Alors que c'est un personnage, Constantine, si on le connaît un minimum, enfin c'est vraiment, enfin je sais pas, il dégage quelque chose. C'est un personnage hard-boiled quoi. Mort quoi à l'intérieur. Et selon moi, il faut un très mauvais film avec lui, c'est John Wick. Mais ça, on y reviendra après. Oula, on va pas être d'accord. On expliquera pourquoi, du comment, je trouve que John Wick s'est raté. Est-ce que t'aimes pas John Wick ou t'aimes pas Keanu Reeves dans John Wick? Alors, j'adore Keanu Reeves dans John Wick parce qu'il est incroyablement mauvais et drôle. Parce qu'il est, selon moi, il est pas. J'avoue qu'il y a des moments, il c'est marrant quelquefois, mais moi j'adore. Mais marrant malgré lui. C'est ça le truc, c'est cette posture de kéké. Enfin, John Wick, pour moi, c'est un Steven avec un peu plus de thunes. Non, mais c'est ça, hein, c'est vrai en plus. Et c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime bien, moi. On y reviendra après. On va laisser Victor Ce qu'il en pense. Parce que moi, oui, moi, le film. Enfin, je pense que t'allais parler de Speed juste après. Je pense. J'allais pas parler de Speed parce que je savais que toi, tu allais en parler. Donc, je te laisse. Ah bah voilà. Bah du coup, je vais parler de Speed et ça va être Speed. J'ai découvert tout récemment, mais voilà quand. C'est... Qu'est-ce que ça va être Speed. Non. Non, non, déjà, Brice Denis, t'aurais dû partir, mais alors, ça, je vais faire c'était pas voulu, c'était pas voulu. T'en fais tellement des blagues pourries que tu te rends même plus compte, Victor. Bah, voilà. C'est grave, ça devient grave. Donc, Speed. Je vais être rapide, du coup, sur Speed, et... On peut l'appeler Clanche, au pire, hein. C'est son nom, c'est le titre québécois de Speed, Clanche. Oh, c'est génial. Clanche, Ratchet et Clanche. C'est génial, c'est le meilleur titre. Donc, Clanche. Donc, Clanche, je vais l'appeler comme ça, je trouve que c'est vraiment le... L'hystérie du blockbuster des années 90 qui va à toute vitesse. Il fait même pas exprès! Il fait même pas exprès! qui va à toute vitesse tout le long. Victor, on va passer la troisième là! Pendant 2 heures, c'est Keanu Reeves en mode super flic, qui est prêt, super flic casse-cou, qui est prêt à se mettre sur une planche. Au-dessus d'un bus rempli d'explosifs pour sauver les gens en dessous d'un... oui et pour affronter Dennis Hopper en super méchant cocaïné. Avec Sandra Bullock qui conduit et le bus. Et Sandra Bullock qui conduit le bus. Merci. Et Cameron de Ferris Bueller aussi. Oui, ouais, ouais, exact. Et ou Stuart de Spin City, ça dépend où tu l'as découvert pour la première fois. Ferris Bueller. Ferris Bueller. Donc, Spin City pour moi, tu vois. Et Clanche City, tu veux dire. Et voilà, c'est j'aime bien ce côté, c'est ça. C'est... John Wick, c'est un film qui a ressuscité ce Keanu là dans les années 2010. Le film un peu actionneur, voilà. On se prend vraiment pas la tête et même s'il joue mal, bah c'est pour ça qu'on l'aime bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Et dans Keanu et dans Clanche, pas du tout d'accord. Et dans Clanche, c'est pareil du coup, ouais. C'est on s'éclate. Ça se termine sur une chanson de Billy Idol où les refrains c'est Speed. C'est ça le titre de la chanson, c'est les années 90, on ouais, s'éclate. C'est et 94. C'est explosif. Bah, il faut. Pour parler Speed, il faut aussi parler du fait que le réalisateur de ce film, c'est Yann de Bont. Et Yann de Bont, c'était quand même pendant longtemps le directeur de la photo de Verhoeven. Et quand il est arrivé aux US avec Verhoeven, Yann de Bont est parti bosser sur Die Hard de McTiernan. Et pour avoir revu Speed hier. Je trouve que dans l'introduction du film et même dans la production design en général, il y a cette ambiance très Die Hard, c'est-à-dire que la première générique. Scène, le début du film qui se passe dans ces cages d'ascenseur, ouais, ouais. Me fait penser à Die Hard dans la production design, ouais. Tandis que la suite du film, elle me fait penser à L'Arme Fatale. Parce que on est dans cet après, on est dans ce post Die Hard Arme Fatale qui ont redéfini le cinéma d'action des années 90. L'Arme Fatale pour son écriture et Die Hard pour sa mise en scène et également son écriture. Parce que les personnages comme John McClane, ça n'existait pas à l'époque. Mm-hmm. Et sauf que là où ça se démarque de Die Hard, c'est que ouais, j'ai lu que Keanu Reeves avait dit qu'il a voulu apporter quelque chose d'humain au personnage de Jack Traven. Ouais. Et que justement il s'inspirait de Die Hard pour le personnage. Parce que quand tu regardes Speed, il y a absolument dans le personnage de Traven, il y a absolument rien de McClane là-dedans. Là on est plus proche d'un Point Break ou d'un film des années 80 dans ce que fait le héros, donc mine de rien il s'en sort quasiment indemne, il se prend aucune bastos, le gars est quasiment indestructible et il survit à peu près tous les trucs qui normalement devraient te tuer, hein, parce que bon, quand il passe en dessous du bus avec sa rampe, oui, ça va, je l'ai déjà fait, je fais ça tous les matins, voilà, dans le bus il est bien, on l'appelle Die Hard, voilà, c'est Die Hard dans un bus, pas vraiment. Il y a un côté Die Hard dans le un gars contre le monde entier. Ouais. Et encore, c'est un gars contre un autre gars, quoi. Enfin, c'est un gars contre un autre, ouais, gars, mais il y a cette histoire de terrorisme et ouais, tout. Speed reste quand même un bon divertissement, bien foutu, contrairement à Speed 2, que Keanu Reeves refusa d'ailleurs de jouer dans le 2, malgré le cachet qu'on lui proposait. Mais il s'en fout de l'argent, Keanu Reeves. C'est même pas une question qu'il s'en fout de l'argent. Je pense qu'il a vu que le scénario était daubé et qu'il s'est dit putain, non, mais ça c'est mort, à la place, merde, je vais aller jouer dans Dracula. Ça c'est un bon film, ça. Ça c'est la bonne cam. Et peut-être un film que t'as pas trop aimé avec Keanu dedans. Mais... Juste pour quand même préciser que le directeur de la photo de Speed est quand même Andrzej Bartowiak, qui est le réalisateur de Doom. Voilà, c'est le truc que j'ai découvert hier en regardant le générique et je me dis que la vie est bien faite, mine de rien. Doom. Parce que, coïncidence rigolote, mais qu'il n'y en a peut-être pas une. Petite rêve. Si on a appris récemment, grâce à Victor, on a appris que Keanu Reeves serait présent dans Hobbs and Shaw. Ouais. Dans Hobbs and Shaw, il y a qui? Il y a The Rock. Et dans quoi il a joué Rock? Dans Doom. Doom. Dans Doom. Tout est lié. C'est degré de séparation. André Bartowiak, maître directeur de la photo de Hobbs and Shaw, peut-être. Alors non, j'espère pas, parce que quand même. Et un film qui t'a marqué, enfin Keanu, t'es en mode qu'est-ce que tu fais là-dedans, Keanu, peut-être? Bah j'en ai aucun. Parce que tu regardes que des bons films. C'est bon Exactement. Voilà, le truc, non mais j'ai pas de des films que j'ai vus de Keanu Reeves. Ben, c'est un peu ce que Stéphane disait, c'est que non seulement tu les regardes pour Keanu, mais aussi parce que tu les regardes parce que ce sont les films en eux-mêmes surtout. Enfin, c'est pas seulement des Keanu Reeves movies. Et forcément, que ce soit en regardant Dracula de Coppola, qui est un excellent film, On en reparlera un jour. En The Neon off, s'il vous plaît. Demon, Knock Knock, Matrix. Enfin, moi, je prends un pied fou à les regarder, à regarder ces films. Le seul peut-être où j'aurais un peu de mal si je le revoyais maintenant, mais que j'avais kiffé quand j'avais 12 ans et que je l'avais vu en salle, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Non, mais quand je l'ai vu, j'avais 12 ans, donc Ouais, c'est voilà. pas. Donc peut-être que si je le reverrais maintenant, je Non, mais serais. moi aussi je l'ai vu quand j'avais 12 ans et je m'étais fait chier comme un Ah, rat mort. excuse On n'a à. pas, on n'est pas tous si matures que toi à 12 Non, ans. c'est pas ça, c'est juste que le jour où la Terre s'arrêta, c'est chiant quand t'as 12 ans, franchement, Oh, il se ça passe rien, va. c'est mou. Moi, je voyais Je T-Bag sais de pas. Prison Break qui envoyait des jets exploser, tout exploser, je trouvais ça Ah, bah il y a stylé. des explosions, bah c'est trop Voilà. bien. Et Bah quand tu le vois forcément, à avec 12 ans, c'est un trop nouvel bien. œil et qu'en plus t'as vu l'original, Ah, l'original oh est la charmé. vache, j'ai pas vu l'original. Ah, bah il faut. L'original est charmé. Et eh ben t'as bien de la chance de pas avoir vu de film de merde avec Keanu Reeves parce Parce que que moi moi j'en j'en ai ai vu vu. plein. Et d'ailleurs on parlait de Constantine qui est sorti en 2005 et c'est cette même année que Keanu Reeves a eu son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood. Il aurait Donc dû l'avoir finalement, avant. merci Constantine. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais il a eu quand même un autre film bien de merde avec Keanu Reeves, c'est Johnny Mnemonic. Où il joue encore quelqu'un qui s'appelle Johnny, et où c'est dans un genre de futur post-apo moche, où il y a un truc avec les souvenirs, enfin je sais pas, c'est à chier, il y a des poubelles en feu, et puis des trucs comme ça. Et je sais pas, il s'est perdu à ce moment-là de sa vie, il aurait peut-être dû retourner au théâtre, comme il a fait au moment où It était en train d'être fait. C'est Stéphane qui me disait ça tout à l'heure, mais Stéphane s'est barré parce qu'il s'en fout apparemment. Mais quand It était en train de se faire, donc It de Michael Mann, Le restaurant, tu veux dire. Ah, ou le le clown. clown, Voilà, en même temps. non, It chaud, on va appeler ça chaud parce que je suis sûre que le titre québécois ça doit être C'est chaud ou chaud. chaleur. Au lieu Chaleur de par au lieu Michael Homme. Michael Homme, au lieu de jouer le personnage joué par Val Tel qu'il Kilmer, meurt. il a été joué au théâtre, je ne sais plus quelle pièce de théâtre, et peut-être qu'il aurait dû faire ça pour Constantine Hamlet, peut-être qu'il aurait dû faire ça pour Constantine ou 47 Ronin, par exemple, film dont on passera très rapidement. Mais un film que moi j'aime beaucoup, et à la fois pour le film, parce que c'est un très bon film d'un très bon réalisateur, et à la fois pour le personnage et la performance, n'en déplaise à toi Stéphane, de Keanu Reeves, c'est My Own Private Idaho de Gus Van Sant, qui est très long et très chiant pour certains, mais qui est très Très très long, beau. il dure combien de temps c'est. Il dure environ 2 heures, je crois. Ah, pour Mais un Gus Van c'est Sant, très très. long. Bah, Gus Van Sant, c'est très lent et tout, Ouais. mais justement, moi je trouve que. Ça se distance vraiment bah, d'un Bill & Ted ou d'un Clanche, tu vois, où c'est vraiment action, où c'est humour. Et là, il joue un personnage vraiment tragique et c'est dramatique et tout. Et c'était ouf de. Après, j'avais vu Matrix avec Keanu dedans. Et après, j'ai vu ça et je me suis dit, putain, mais c'est plus la même personne. Et je me suis rendu compte que c'était un très bon acteur, Est-ce que tu t'es Stéphane. dit du coup wow ou pas? J'aurais pu, mais non. Je me suis juste dit. Mais Keanu Reeves, je veux voir plus de toi. Et plus on en a vu, parce que maintenant, il a un peu disparu, j'ai l'impression, pendant un moment Ah. après. Il a disparu, tout est relatif, c'est-à-dire que Bah, c'est-à-dire qu'il faisait des belles daubes, quoi. il a eu non, il a eu la chance qu'on a inventé un truc merveilleux qui s'appelle Internet. Et que du coup, ce mec, il a eu une aura qui s'est créée sur Internet parce que le mec est devenu un mème Ouais. à lui tout seul. C'est-à-dire, on prend déjà le Sad Kinou C'est où le c'est lui number assis one sur un banc tout qui mange son seul, sandwich, ouais. qui est devenu un mème. Les rumeurs comme quoi ce serait un vampire, qu'on aurait retrouvé un tableau. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que ce mec, c'est un Nicolas Cage, l'hystérie en moins. Oui, c'est ça. Mais c'est même vocalement, ça. Hier en regardant Speed, et j'entends sa voix et je me dis, putain, mais. Même ça. En termes de voix et d'interprétation, c'est un Nicolas Cage parfois. En plus, c'est un peu la même époque où ils ont émergé, quoi. Ah bah oui, clairement, il fait partie de cette même génération avec, ouais. Avec River Phoenix, Patrick Swayze, Charlie Sheen et Johnny Depp. Donc d'ailleurs, Depp et Sheen étaient pressentis pour jouer le rôle de Utah dans Point Break. Donc, bah mieux qu'il nous. Faut aussi préciser qu'il a aussi pris le rôle de Neo à Will Smith, hein, parce que Will Smith avait refusé de jouer Neo. On aurait peut-être eu un rap à la fin de Matrix aussi, et ça, c'est pas négligeable. Et ouais, donc Keanu, c'est un peu l'amoureux de tout le monde, surtout Reddit, ils sont fous furieux pour Keanu, quoi. Dès qu'il est tout seul dans un métro, ou sur un banc sans chaussures dans la rue, tu sais, enfin, tout le monde le kiffe. Là, faut aussi dire que c'est un bon gars, c'est-à-dire que tu c'est un gars sûr. Moi, c'est aussi ça qui me plaît chez lui en tant qu'être humain, c'est qu'il a l'air d'être extrêmement sympathique. Oui, c'est ça. Quand tu lis ou écoutes des interviews, t'en as une de lui là qui est tombée l'autre jour. On lui demande qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort, et il te sort une phrase super jolie et philosophique. Il dit, on va manquer à ceux qui nous aiment ou un truc. Voilà, genre. C'est ça. C'est trop mignon. Mais c'est aussi un mec qui a une vie assez tragique, ouais. Mine de rien, hein. Donc bon, entre les problèmes avec son père, la mort de sa femme et de son enfant. Son enfant, sa sœur qui a une leucémie. Donc son meilleur ami River Phoenix qui est mort pendant le tournage de Speed, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est un gars qui a eu beaucoup de choses négatives dans sa vie et qui pourtant a toujours réussi à remonter au top. Et en plus c'est aussi un acteur qui pour lequel j'ai beaucoup de respect puisque faut quand même pas oublier qu'il a donné une partie de son salaire aux techniciens de Matrix. Ouais, sur la Société du Diable, il a été d'accord de baisser son salaire de 2 millions pour qu'il puisse engager Al Pacino. Voilà, c'est genre. C'est ce que je disais tout à l'heure, il s'en fout de l'argent, il fait ça par passion et il est honnête. Et, tu vois, et en plus, il s'investit dans ses rôles. Donc, ouais, voilà. Parce que bon, il a travaillé avec le SWAT pour Speed, il a appris les arts martiaux pour Matrix. Donc, c'est un mec qui vraiment s'investit dans ce qu'il fait. En plus d'avoir une tête qui revient et. Ouais, voilà, il a une bonne gueule et en plus, il est honnête, il est gentil. Enfin. Je sais pas, il est vraiment il est humain, tu sais, c'est pas genre une méga star hollywoodienne, t'as l'impression qu'il est inaccessible et qu'il est complètement dans un autre monde, là le mec bah. Non, puis il fait ce qu'il veut, quand tu regardes sa carrière c'est clairement un gars qui fait ce qu'il veut, il a refusé Hit, enfin il a quand même refusé le rôle principal de Hit pour aller jouer dans une pièce adaptée d'Hamlet. Donc alors que quand tu regardes Hit aujourd'hui, c'est quand même un putain de chef d'œuvre et il a refusé ça. Parce que je pense aussi que c'est un mec qui ne cherche pas la. Qui ne doit pas chercher la reconnaissance. Il veut pas être. Mais il est très privé, hein, dans sa. On sait très peu de choses sur sa vie. Hein. Bah, tout ce qu'on sait, c'est assez triste, donc je pense qu'il essaie un peu de se protéger aussi, peut-être, tu vois. Parce qu'il a pas. Ouais, il a pas une vie facile et tout, mais tout ce qu'on sait sur lui, c'est que des bonnes choses, du genre, on a dit sa sœur, elle a eu une leucémie, et du coup, il a une fondation, je sais pas si ça se dit comme ça en français, la recherche contre le cancer, tu vois, enfin plein de choses comme ça. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est que du positif. Et puis même, enfin juste le fait que ce soit un mème sur internet, le Sad Keanu et tout, je trouve que ça fait qu'on est plus proche de lui parce que il est pas ultra starification et tout de ouf, tu sais, il est pas il est au même niveau que nous. Non mais oui, et il a un tel niveau de comment dire de notoriété sans être dans la célébrité qu'il y a même eu un festival entièrement dédié à lui et au film dans lequel il a joué, la KeanuCon qui a eu lieu très récemment où pendant quelques jours il diffusait que des films avec Keanu Reeves dedans, donc en gros littéralement toute sa filmographie. Il y a le mec de, alors c'est pas, c'est son partenaire de Bill et Ted. Alex Winter qui a fait un petit coucou au public et tout. Ah oui, c'est trop mignon. Et du coup, on parle de Bill et Ted. Bill & Ted 3 qui a été. Alors, est-ce que c'est en pré-production? Est-ce que ça a été tourné? Est-ce que c'est à une. Alors, le tournage va bientôt commencer de ce que j'ai vu. Le scénar est prêt. Sachant que c'est quand même une sacrée arlésienne. Hein. Ça fait des années qu'on parle d'un Bill & Ted 3. Après, il faudra pas s'attendre à ce qu'il sorte chez nous. Je le compare à deux retours. Parce que je trouve ça justement assez drôle. C'est que l'année prochaine, on a le retour d'un autre duo iconique du cinéma. Je dirais pas de stoner, parce que, bon, comme je disais, voilà, il manque la weed pour considérer Bill & Ted comme un film de stoner. Bill & Ted, c'est clairement plus un film de nerd qu'un film de stoner. Rien que le fait d'utiliser une cabine téléphonique pour remonter dans le temps. Enfin, bon, la référence à Doctor Who est assez claire. En plus, quand on sait que donc Chris Matheson et Ed Solomon, les deux scénaristes de Bill et Ted, Chris Matheson, normalement ça doit faire tilt, c'est le fils de Richard Matheson. C'est-à-dire que le gars qui a écrit, entre autres, Je suis une légende. Ou le duel de Spielberg. Donc clairement, voilà, c'est un gars qui a été. Solomon et Matheson sont des mecs qui ont grandi avec la pop culture, la SF. Donc là, pour le coup, on a un vrai film de nerd. Mais l'année prochaine, du coup, on a donc le retour de Bill & Ted, mais on a aussi le retour de Jay et Silent Bob, donc créé par Kevin Smith. Donc un nouveau film Jay et Silent Bob qui va sortir plus de 10 ans après Jay et Silent Bob contre-attaque. Clairement, je rappelle avoir entendu Smith parler que Bill & Ted avait été une légère influence pour les personnages de Jay et Silent Bob. Je pense que ça a été une influence pour beaucoup de choses aussi, Bill & Ted. Justement, le film de les deux potes qui vont faire de stoner, quoi, mais pas. C'est pas vraiment un film de stoner, tu l'as dit. Bah, c'est-à-dire qu'un film du même niveau à l'époque, c'est Weird Science de John Hughes. Oui. Et je trouve justement ça drôle que voilà, Silent Bob et Jay reviennent la même année où Bill et Ted reviennent. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Même si le retour de Bill et Ted. Alors, autant Jay et Silent Bob n'appartiennent pas aux années 80, et leur retour de toute façon n'est pas, y a pas de nostalgie derrière, c'est-à-dire qu'on avait déjà de base un Clerks 3 de prévu qui malheureusement était, à mon grand malheur, a été annulé, mais tout comme Smith devait aussi faire une suite à Malrats. Mais là qu'il fasse un nouveau film avec Jay et Silent Bob, ça montre aussi que il est toujours autant attaché à ses personnages, alors qu'à l'inverse Bill et Ted, on pourrait le considérer justement comme s'il devait y avoir un 3, il aurait dû sortir dans les années 90. Le fait qu'il sorte maintenant, ouais, c'est très daté. Fait penser un peu à une encore une fois ce côté nostalgie où on doit reprendre les figures d'avant parce qu'on n'a pas d'idée pour faire des nouvelles figures, sachant que comme j'ai dit, Bill & Ted 3 ne sortira pas en France. Il ne sera pas réhabilité en France de toute façon parce que le film n'a pas d'aura culte chez nous. Après tout peut arriver hein, puisque les aventures de Bugarou Banzai vont sortir là en Blu-ray en France, alors que je pensais qu'on était 4 pèlerins en France à savoir que ce film existe. Donc film que je recommanderais toujours jusqu'à la fin de ma vie, juste pour le simple fait qu'il y a Jeff Goldblum en cowboy neurochirurgien dans ce film. C'est trop de mots qui ne vont pas ensemble dans cette phrase. Mais on parlera un jour du Bugarou Banzai. Je pense qu'il faut en parler. On en parlera quand le Blu-ray sortira. Il a son importance, ce film. Mais du coup, j'attends le retour de Bill et Ted, forcément, parce que je suis juste curieux de voir comment. Ce qu'ils vont en faire. Ouais. Mais j'en attends pas grand chose non plus. Parce que bon, Bill et Ted, ça boit rigolo, c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, c'est vraiment le film que tu mates avec tes potes le samedi soir autour de deux bières et une pizza. Et c'est tout. Parce que bon, les réalisateurs des deux films sont le premier Steven Urch qui a réalisé Critters, et le deuxième c'est Peter Hewitt qui pour les cancres du fond de la salle a réalisé Garfield. Donc bon, Le Garfield, ouais, le El Famoso Garfield écrit par les frères Cohen. En tout cas, c'est ce que Bill Murray croyait. Mon Dieu. Bah, moi ça part, là tu me dis Garfield, ça part sur une bonne, ça part sur une bonne valeur, donc je Une dis valeur oui, sûre. voilà. Mais ouais, tu parles de nostalgie, on en a parlé dans le dernier épisode, vous pouvez les réécouter, mais moi ça me fait penser aussi à un prochain projet dans lequel il va être, qui est aussi nostalgie à balle, c'est Toy Story 4, dans lequel il va jouer Un Duke cascadeur. Kaboom, ouais, un jouet de cascadeur. Lance Murdoch Et dans Rêve Simpson. putain, un épisode sans Rêve Simpson, c'est impossible quoi, toujours une Rêve Simpson, c'est la valeur sûre des Rêves Simpson. C'est nul. Mais oui, du coup, Toy Story 4 qui va arriver très bientôt, je ne sais pas quand, très bientôt chez nous, Le mais 19 juin en mais du France. coup, faudra aller le voir en VO si vous voulez Bah entendre ouais. Keanu dedans. Ouais, plutôt que Angèle ou Pierre Niney. J'aimerais juste moi qu'on Les revienne balles gratuites envers ces parce gens. que bon mine de rien si on fait cet épisode c'est parce que y a de l'actu sur Keanu et qui va Oui, il y a de sortir l'actu. récemment enfin prochainement John Wick 3 J'allais en parler. Il y a John Wick Parabellum. 3 dans quelques jours, le 22 mai, très bientôt. Si vous écoutez ce podcast, le jour où il sort. Et je pense que parmi nous trois je suis celui qui attend le moins Oui, John Wick je pense 3. aussi. Ouais, je pense. Et je suis celui qui aime le moins John Wick tout court. Pourquoi tu n'aimes pas John Wick? Pourquoi je n'aime pas John Wick? Déjà, je trouve le concept extrêmement cynique. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où maintenant le nanar est devenu chose commune pour tous les fans de cinéma. Ce n'est plus un truc de niche comme dans les années 80-90 où les nanars on les matait entre potes parce qu'on arrivait à choper la cassette dans les vidéoclubs. Là maintenant le nanar est devenu accessible à tous. Et du coup on essaie de se réapproprier ce côté bis Z pour créer quelque chose derrière en se disant c'est débile, on le sait et on l'assume. Sur le Ouais, du coup, papier, ça. je veux bien, mais sauf que ce n'est pas assumé vraiment au fond. Parce que quand tu regardes le pitch de John Wick, voilà, c'est un mec qui décide de buter 86 personnes. C'est précis, T'es précis. très précis. À la base, il devait en tuer que 11, hein, dans le scénario original. C'est Keanu qui a demandé à mettre plus d'action là-dedans. D'accord. Donc c'est un mec qui tue 86 personnes parce qu'on a piqué sa bagnole et buté son chien. J'aurais fait pareil. Alors, Franchement. John le Wick. postulat de base peut faire rire. Le problème, c'est que c'est traité avec un tel sérieux. Mais oui, mais c'est ça Mais qui est beau, je c'est trouve. non, Moi, mais c'est ça que justement, j'aime c'est ça bien. qui me dérange en Mais fait, c'est qu'on attends, prend en sérieux quelque chose qui devrait être fun. Est-ce Bah, moi, que c'est pour ça que j'aime bien ça. et puis aussi Parce que c'est surtout. ça, moi, je trouve que c'est ça qui rend fun le truc, c'est que c'est un film d'action ultra sérieux et ultra esthétisé de ouf et tout, avec Keanu Reeves dedans, qui a joué dans Matrix et dans des trucs super films d'action et tout. Et que le truc de base c'est super con et ça pourrait être un truc de la vraie vie en fait. Enfin, ça pourrait être juste un mec qui pète un boulon et qui va tataner la gueule à des gens parce Ah que mais de toute son façon chien ça s'en n'est sort. pas n'importe qui comme dit le verso 2, ce n'est pas Oui, n'importe en qui, plus, c'est pas n'importe c'est le qui quoi. Baba Yaga, c'est John Wick, un tueur à gages. Ouais, Mais c'est il pas n'importe s'inspire qui à la de base. ces des revenge movies des années 70 et des vigilante movies où c'est un gars qui va désosser des malfrats parce que la justice ne fera rien, tout ça, tout ça. Sauf que déjà le fait de le prendre trop au sérieux, parce que bon, tu vois le mec désosser les gens et puis après c'est ma femme, ma femme. Ça s'appelle un D'accord, personnage mais bien écrit. construis mieux déjà ton personnage, parce que le personnage de John Wick, au fond, je trouve qu'il est pas très bien construit. Mais en plus, quitte à faire un truc bas du front, Merci. assume-le et va à fond dans la connerie. Parce que déjà de base, moi, voir un mec qui fait toujours les mêmes moves pour tuer des gars, c'est-à-dire je te mets deux bastos dans le bide et je t'en mets une dans la tête. Quand tu regardes une scène d'action de John Wick, il fait que ça. Bah si ça marche, ça marche, hein. Ouais, mais dans ce cas, tu me dis pas que ça, c'est un des meilleurs films d'action de l'histoire. Non. Parce que Peut-être le. pas de l'histoire, mais moi je trouve que c'est une. Enfin, ça fait enfin une. On parlait des remakes, tout ça, et là c'est une nouvelle franchise qui marche et qui est trop bien. Et c'est pas un truc repompé, c'est pas un reboot, c'est pas un machin, tu C'est vois. pas un reboot, mais c'est rien de tout ça. Mais moi, ce qui me fait énormément rire, en fait, c'est que donc ils ont fait le premier, et en fait, ils se retrouvent dans cette position où, ah putain, les gens, ils veulent une suite, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Je suis un peu Et d'accord. ils commencent à te mettre toute cette histoire La confrérie. de confrérie, pacte du sang et tout. Et en fait, le seul truc fun de John Wick 2, C'est le moment où le film, pour moi, aurait dû commencer. C'est-à-dire, écoute, t'as merdé, on met une prime de 36 millions de dollars sur ta tête, t'as le monde mais entier qui va te désosser. Peut-être que tu vas aimer John Wick 3, du coup, puisque John Wick 3, ça a l'air d'être ça. Ben, ça va être ça, mais ça a l'air... C'est la suite, ça a l'air tout autant. Ça a l'air quand même de se prendre. Oui, s'ils assument enfin l'over the top. Je pense que là, oui, c'est carrément. Pourquoi pas, mais si on se prend trop au sérieux. C'est-à-dire que moi, on l'a tous vu, hein, cette photo de Keanu Reeves sur un cheval. J'ai si hâte. J'ai des attentes par rapport à ça. C'est-à-dire que. Moi, je veux un. Là, on a le concept du film de potes, un film d'action décérébré, mais il faut quand même qu'il ait des trucs à sauver derrière, quoi. Mmh. Parce que quand tu regardes le premier John Wick, pour moi, c'est un film de Steven avec de la thunasse. Parce que mine de rien, la photo, elle est immonde. La mise en scène, elle est vraiment pétée. Et moi je suis désolé, hein, c'est pas parce que tu me filmes John Wick avec un gros effet de lumière derrière que je vais me dire waouh, il est trop badass, c'est tellement iconique. Non. Bah après je crois qu'aussi que. Parce que la scène de nightclub, je l'ai revue tout à l'heure parce que j'avais des doutes. Je me dis peut-être que je râle pour rien. mais non, en fait, non, je ne râle pas pour rien. Mais je pense que tout le. La principale raison pour laquelle John Wick a marché, c'est parce que c'est Keanu Reeves. Ah oui, de toute façon, oui, c'est parce que le mec porte le film sur ses épaules. Tu disais qu'il y a des films avec Keanu Reeves dedans qui sont bien parce que les réalisateurs peu importe, le film en lui-même est bien et pas forcément Keanu Reeves. Là, je pense que la principale composante du fait que John Wick est au niveau qu'il est maintenant, c'est Keanu Reeves. Ah oui, parce que l'histoire en soi, elle n'est pas oufissime. C'est un bon film d'action. Tu rajoutes Keanu Reeves, c'est un super film d'action. Non, mais trop jouissif à regarder, quoi. Elle aurait eu le potentiel de d'être plus fun. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je reproche à John Wick, c'est de ne jamais assumer son concept. Mais c'est fun, John Wick. Non, ça n'assume pas son concept. Du coup, pour moi, déjà de base, c'est pas fun. Ça se prend beaucoup trop au sérieux pour une histoire aussi conne. Il y a des scènes quand même dans John Wick où justement c'est complètement con et ça marche. Enfin voilà, tu me mets l'intro du 2 où on te refait le coup du quoi, mais on va faire tout ça parce qu'on a piqué la voiture de d'un pauvre mec. Et là, t'as. Comment il s'appelle ? T'as Peter Stormare qui fait non, mais ce n'est pas la voiture de n'importe qui, c'est John Wick, il va venir vous défoncer. Et après, t'as une scène complètement débile mais bien foutue, hein, où tu vois John Wick qui défonce tout le monde dans un garage juste pour récupérer sa caisse qui est toute déglinguée au final. Voilà, c'est quand même fun à regarder. Je sais pas, c'est pas. Non, mais faudrait m'expliquer la notion de fun. Il vient d'expliquer, Stéphane, pourquoi il aimait pas trop John Wick. Mais bon, peut-être que le 3, tu le trouveras plus fun. Peut-être que le 3. Ouais. Parce que le 3, il a l'air vraiment d'être. Je sais pas, il y a un réalisateur derrière cette fois ou pas ? Je sais pas qui. Oui, c'est David Leitch. D'accord, donc non, il n'y a pas de réel cette fois. Non, c'est pas David Leitch. Ah, il est producteur dessus, non ? C'est l'autre. C'est Chad Stahelski. C'est le meilleur des deux. J'y connais rien. Ouais, j'irai pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la bande-annonce, que ça a l'air chambé, que ça a l'air vraiment. En fait, t'as l'impression qu'à chaque fois, le John Wick 2 reprend John Wick 1 en x10. Et là, c'est John Wick 2 en x100. Enfin, tu sais, il y a un multiplicateur à chaque fois. John Wick 3 qui fait John Wick 3 x1000, du coup. Ouais, mais je pense que. Non, ça va être une trilogie, Victor. Ça va devenir une série aussi. Réellement, ils vont faire un John Wick 4 On lui a posé la question. Il aimerait bien, mais c'est une trilogie. Super, comme ça, on sait déjà qu'il va s'en sortir à la fin. Super, c'est une trilogie, et ils vont certainement faire des spin-offs comme les Fast ou des trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs. Ouais, ben, quel personnage second. Enfin, honnêtement, aucun personnage. Dans le 3, il y a plein de nouveaux personnages. Il y a Halle Berry, il y a Ejaquette Dillon, il y a Angelica Houston, il y a. Marky Mark. Non, c'est l'acteur que t'adores. Marc Dacascos. Marc Dacascos, voilà. Putain, ouais. Oui, il y a Marc Dacascos. Évidemment, Marc Dacascos. Et puis quand Marc Dacascos est devenu gage de qualité, parce que je parce me pose que la question. J'adore Marc Dacascos. Ah, mais moi, enfin. Tu le mets Marc Dacascos et Keanu Reeves dans le même film. Ça dépend. Est-ce qu'il va faire de la capoeira? Si Marc Dacascos fait de la capoeira. Il est obligé. Il est obligé. C'est John Wick. Obligé. Mais oui, donc on parlait on en parlait tout à l'heure, Hobbs & Shaw, apparemment, on va pas en dire trop parce qu'en dire trop ce serait spoiler, mais Keanu Reeves serait peut-être dans Hobbs & Shaw, dont on a déjà parlé ce qui, rappelons-le, n'est pas un gage de qualité. Hein. Pour moi, si, parce qu'il y a The Rock dans Hobbs & Shaw, et The Rock, c'est un peu mon Keanu Reeves, l'équivalent de mon Keanu Reeves pour toi, tu vois. Dans le sens où je sais que c'est pas un très très bon acteur. Alors si The Rock a des qualités d'acteur, quand tu regardes un truc comme Pain and Gain, il sait jouer. Mais je veux dire, tu vois, je sais que c'est pas son, enfin, je le vois, je vais aller voir le film dans lequel il est, peu importe le film, peu importe son niveau d'acting, peu importe ce qu'il fait, je m'en fous, j'irai le voir parce que c'est The Rock. Bah, moi, ce qui me déçoit avec The Rock, en fait, c'est qu'il a le potentiel d'être un Schwarzenegger, mais il le fait pas. C'est-à-dire que Schwarzenegger, mine de rien, le mec, il est allé chez Verhoeven, il est allé chez McTiernan, il est allé chez Cameron. Il l'a fait chez Richard Kelly. Il a fait Southland Tales, dont on a déjà parlé très brièvement dans le premier épisode que personne n'a écouté, parce que voilà. Mais qui est excellent. Southland Tales, encore, c'est pas comparable à la carrière de Schwarzy. Moi, je parle en tant que bon choix de réalisateur pour des films d'action. C'est-à-dire que The Rock mériterait de tourner avec des monstres comme Verhoeven ou McTiernan. Bon, le problème actuel, c'est qu'on n'a pas de monstres comme Verhoeven ou McTiernan. Donc, il pourrait être très bon s'il était dirigé par. Si on l'envoyait dans les pattes d'un Brad Bird ou d'un Christopher McQuarrie ou n'importe quel bon réalisateur de films d'action de ces dernières années, et sachant qu'ils sont très peu nombreux. Shane Black, on en a déjà parlé. Shane Black, normalement, il doit être son Doc Savage. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, après, ça reste pareil, ça reste une arlésienne, le Doc Savage de Black. Mais on croise les doigts. Mais j'ai une question, une dernière question pour terminer sur Keanu Reeves. Si vous vouliez voir Keanu Reeves avec un réalisateur ou une réalisatrice en particulier, ça serait qui? Et pour quel genre de film? Il y en a c'est tellement. C'est une question c'est... très profonde. Guillaume Canet. le petit mouchoir 3 avec The Little Tissues. Tu John vas à Hollywood direct. John Wick 4, Cap Ferret. Voilà. avec Keanu Reeves qui prend l'accent du sud. J'adore, moi j'achète sa part direct. Victor, t'as une idée là, putain, je sors mon flingue et je vais te faire un deuxième trou de balle. Et après on ira magie des huîtres. Victor, il est en train de choper une barre. Mais il y aura après on prend le bus qui va trop vite et puis il explose. Et sinon, est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais dans la matrice? Mais le monde, c'est la matrice. Nous sommes dans la matrice. Le man en Dracula qui a l'accent du sud aussi. Imagine. Oh putain, je bourrai bien ton sein. Alors, on va réussir à revenir à la question. Alors, allez, l'OM. Je vais. Oui, alors Keanu, j'adorerais voir Keanu chez Michael Bay. Alors j'aime beaucoup Ryan Reynolds hein, et je serais très content de le voir dans son film Netflix là à Tonton Michael. Mais quel film Netflix? Je sais plus le titre, mais c'est l'un des films les plus chers de Netflix. C'est un film Michael Bay avec Ryan Reynolds et c'est Mélanie un pléonasme, Laurent. Du coup, ce que tu viens de dire, les films les plus chers Michael Bay avec Mélanie Laurent et Ryan Reynolds chez Michael Bay. Je vais faire des recherches tout de suite. J'adorerais voir Michael Bay, Keanu Reeves chez Michael Bay et chez Wes Anderson aussi. Les deux opposés quoi, mais tu peux pas. Ouais, mais tu vois, voir Keanu avec le jeu monolithique de Keanu. Ouais, c'est ça. Mélangé au costume. C'est Six Underground, le nouveau film de Michael Bay. Où c'est l'histoire Six Underground, c'est l'histoire de personnes pétées de thunes qui se font chier et qui décident de se faire passer pour mort et de devenir mercenaires. Et moi je veux que ce soit ma vie. Et voilà, c'est ces deux-là auxquels je pense. Un petit après, pour quitter le cinéma d'aventure, d'action. Un petit film intime, genre réalisé par Kelly Reichardt ou quoi, Ouais, avec moi Kelly je Reichardt, vois ce bien serait charmant. genre un film d'auteur ou quoi, tu vois. J'avais vu High Life ce week-end. Genre. J'aimerais tellement le voir dans un film de Claire Denis ou vraiment d'un entre très gros guillemets avec une majuscule auteur, tu vois. Vraiment un truc qui irait à Cannes ou quoi, enfin un truc qui irait de Il a déjà ou un film fait qui irait dans dans un Sundance festival de ciné un peu obscur, une J'avoue Berlinale ou un truc comme ça, que tu j'ai un sais. peu le seum. Je m'attendais, tu vois, comme il sortait en mai, je me suis dit, ce serait tellement bien John en Wick? hors compétition John Wick 3, En film d'ouverture. Keanu Reeves qui monte les marches. Avec un petit chien et tout, ce serait Voilà, trop ça aurait été trop bien. Et mignon. Ouais, mais le truc, c'est que là, c'est pas un film de genre réalisé par Jarmusch, donc du coup, ça n'a aucune légitimité, tu vois. oh. Dont on reparlera très Ah certainement. oui. Moi, Vas-y. j'aimerais bien voir Keanu. Chez. Avec le chat, là. Non, non, Keanu dirigé par. Ah, oui. J'aimerais bien le voir dirigé par Edgar Wright. Ah. Ça, je trouve que ça ferait. Enfin, je sais pas, il est un peu vieux, je trouve, pour un film d'Edgar Wright. Ah, C'est assez des jeunes à chaque fois, tu Ouais, vois. mais je serais curieux de voir ce qu'il pourrait en faire chez Macquarie aussi, chez Carnahan, chez Joe Carnahan. Je pense que il pourrait faire des merveilles si on laisse un jour Carnahan refaire un film, ça serait bien. Dans une même chez Tarantino, je pense que ça pourrait être intéressant de voir Keanu Reeves chez Tarantino. Moi, j'aimerais tellement le voir dans un film de Denis Villeneuve. S'il ajoute au casting de Ah. Dune, qui n'arrête pas d'être tous les jours, on apprend qu'il y a un nouvel acteur dedans, mais Qui? ça serait Quoi? Keanu Reeves Non, chez non, Denis non, Villeneuve. t'as dit un autre nom? Denis Villeneuve. Ah, c'est qui? Tu l'adores, hein, n'est-ce pas? Mais Mais je ne sais pas qui est j'adorerais, cet homme. j'adorerais le voir dans Dune. Ah Tellement. putain, ils vont faire un nouveau Dune. Arrête, Stéphane. Arrête. Vache. Mauvaise Hey, ils conjoncture, là. sont audacieux, hein. Le second degré est présent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Keanu Reeves ou pourquoi vous aimez Keanu Reeves ou sa coupe de cheveux ou ses sandwichs ou ses pieds nus? On t'aime, Kinyu, donc voilà, c'est tout ce Voilà, que si tu nous écoutes, tu es cordialement t'es invité mauvais comme un à... cochon, mais t'es sympa. Voilà, Stéphane ne t'aime pas pour les mêmes raisons que nous, mais on t'aime quand même, c'est ce qui compte. Merci à vous autour de la Merci table à toi. d'avoir bien voulu parler de Keanu avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris des trucs sur ce grand homme qu'est Keanu Reeves et j'espère qu'il continuera à faire des grandes choses et des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on aime toujours voir. Bah ça tombe bien, écoute, je vais à Marseille cet Mais été. Keanu, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, Oh, mais je tu suis de suis pas! passage, Ah, j'ai mais amené viens! le chien. Ah, mais viens, on va boire un coup après. Ah, je veux bien un petit jaune. Vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter, Facebook, surtout sur iTunes. Est-ce qu'on fait du teasing pour la prochaine fois? Pour quelle prochaine fois? Il y a beaucoup de prochaines fois qui Mais arrivent. pour le The Dead Don't Die, Oui, on va évidemment, on va parler de parler zombies. de le prochain épisode, on va parler du film d'ouverture de Cannes, on va parler de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch et du coup des zombies Et bien du coup, ce autre sera une fois. première dans l'émission, je pourrai enfin parler de Jean Rollin. Donc Eh ben j'ai je hâte. suis assez content, Je m'attendais pas à entendre ce nom ça me fait une aujourd'hui. excuse incroyable pour parler de Jean Rollin et de Brigitte Lahaie. Donc merci déjà d'avance. Eh ben, de rien. Vous pouvez, sur ces deux prénoms qui je ne pensais pas aller sortir aujourd'hui, vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur iTunes ou sur toute autre plateforme de podcast que vous utilisez. Et on se dit à bientôt pour parler de zombies de Jean Rollin et de Brigitte Lahaie dans une prochaine émission. Au On va parler de revoir! porno du coup.